On avait Nicolas Misdaris et l'équipe Sierra Lercam comporte trois personnes, donc Patrick Fellini, moi-même et Olivier Wix, donc trois chercheurs. Et alors, l'activité de l'équipe, donc comme son nom l'indique, perception et design sonore, elle développe une activité de recherche dans le domaine de la perception auditive et son champ d'application, c'est donc le design sonore. Si vous voulez, l'équipe justement essaye d'articuler ses recherches scientifiques un peu fondamentales sur la perception avec les projets appliqués dans ce champ du design sonore qui est pas un art musical, qui est un art sonore, on va dire. C'est le domaine de la création sonore, ça pourrait être assimilé à un art appliqué, quoi. C'est un projet de design sonore en horlogerie. Disons, le challenge du projet, c'était de créer de toute pièce une fonction sonore dans une montre qui est appelée répétition minute. C'est en fait l'idée de donner la possibilité à la montre, ou plutôt à l'utilisateur de la montre, de lire l'heure à l'oreille, avec un code voilà, de séquence entre les heures, les minutes, les quarts d'heure. La structure d'une sonnerie de type répétition minute, c'est en fait deux timbres différents. Un pour les heures et un pour les minutes. Et puis, les quarts d'heure sont spécifiés par une alternance entre ces deux timbres. Donc si je chante, par exemple, 3h16, ça va faire quelque chose du style ting, ting, ting, ting, ting, ting. Donc j'ai joué 3 heures, un quart d'heure et une minute. Donc les industriels qui sont venus nous voir, en fait, développent des produits qui n'ont pas cette fonction et donc ils cherchent à augmenter leurs produits avec cette fonction-là. Alors, analyser la question, ça a été déjà se constituer un corpus de référence, parce que d'autres marques d'horlogerie ont déjà développé ce genre de fonction. Donc voilà, on est allé voir dans d'autres, chez les concurrents, etc., pour voir un petit peu comment la question était traitée. Donc on se constitue un corpus de sonore, un corpus de son de référence, qu'on analyse. Justement, on l'analyse avec des approches de type descripteur acoustique, caractérisation des sons, etc. Et au-delà de la caractérisation de type traitement de signal, etc., on caractérise aussi ce corpus en termes de préférence utilisateur, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait passer des gens dans des expériences d'écoute et on leur demande non seulement de juger des sons les uns par rapport aux autres, donc de manière un petit peu relative, mais aussi de donner leur goût, leur préférence par rapport à ces sons-là. Est-ce que vous préférez ce son par rapport à ce son, ou bien, etc. Voilà. Donc ça donne des indices un petit peu plus haut niveau sur ces sons-là. Donc ça, c'est une première phase. Une deuxième phase, c'est aussi, par rapport à ce corpus de départ, de caractériser les sons, alors là, de manière, on va dire, plus sémantique. C'est-à-dire d'associer à chacun des sons de notre corpus de travail des mots qui définirait les sons. Et alors là, c'est pareil, on fait ça avec une approche expérimentale, parce que c'est pas à nous de définir les mots, finalement. Ces mots, ils sont collectés à partir de verbalisations de personnes qui ont écouté les sons et qui disent « Ah oui, mais ça me fait penser à du métal, ou ça me fait penser à du bois, ou ça me fait penser à... ça sonne nasillard, ça sonne sourd, ça sonne etc. » Enfin, tous ces termes-là, en fait, sont des données pour nous, des données d'expérience et des données d'analyse, en fait. Notre corpus, à l'issue d'une première phase d'expérience, il est caractérisé de deux manières, on va dire d'un point de vue acoustique et d'un point de vue sémantique. Dernière étape dans cette phase d'analyse, c'est qu'ensuite on essaye de relier ces caractérisations-là, ces données-là, avec des données que nous donne l'industriel, justement. Parce que, en plus d'être fonctionnel, ces sons de répétition minute doivent véhiculer aussi l'identité de la marque. Le gros défi aussi de ce projet-là, c'est comment, dans un son qui dure quelques secondes, véhiculer une identité de marque. Alors pour ça, l'industriel nous donne ce que lui conçoit comme étant l'identité de sa marque. Il nous le donne sous plusieurs formes. Il nous donne sous forme de mots, il nous donne sous forme de photos, de concepts, de phrases, etc. Enfin, voilà, il définit son identité. Et nous, on essaye de relier ces données d'identité avec nos données d'analyse acoustique ou sémantique. Et du coup, on a une espèce de relation entre tel attribut d'identité de la marque et puis telle donnée acoustique ou telle donnée sémantique. Alors, en plus, dans ce projet-là, il y a en plus des contraintes plus techniques qui sont liées à la géométrie de la montre, à la taille de la montre, etc. Bon, je passe un peu les détails, mais il y a des contraintes encore plus serrées au niveau technique. Alors tout ça, donc toutes ces données, ces relations entre identité de la marque, données acoustiques, données sémantiques, etc. On le livre justement au compositeur. Alors là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui s'appelle Sébastien Gaxi. Et donc première étape, on essaye de transmettre ce qu'on a appris finalement de l'analyse pour que Sébastien puisse le digérer et l'intégrer dans son imaginaire aussi, dans son intuition. Ensuite, au vu de toutes ces contraintes, des contraintes techniques aussi, en gros, il choisit ses outils, comme pourrait le faire un menuisier ou un ébéniste. Et donc, il va choisir plutôt telle manière de faire des sons, plutôt que telle autre, etc. Et c'est là qu'intervient cette fameuse approche de synthèse par modélisation physique, qui est un des outils finalement choisis par Sébastien pour essayer de fabriquer de la matière sonore. En voulant utiliser Modalis, on s'est effectivement dit, on a une contrainte mécanique, on connaît la forme du système mécanique. Bon, Modalis est le candidat tout trouvé pour faire ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est de fabriquer de la matière sonore qui soit en relation avec évidemment tout ce qu'on a analysé et pas fabriquer de la matière sonore comme ça dans le vide. Parce que c'est un peu pour assimiler ça, de la création sous contrainte un petit peu, quoi. Comme l'est beaucoup de créations finalement. Hein. C'est jamais de la création comme ça, avec une carte blanche illimitée, quoi. Mais là, les contraintes sont quand même assez fortes. Dans des projets comme ça, les contraintes sont quand même assez fortes. Et la modélisation physique qui va permettre de, à partir par exemple d'une géométrie de lame, de l'exciter à tel endroit et puis de récupérer le son que produit cette structure, de changer le matériau qui constitue cette structure, etc. Donc ça, c'est un instrument utilisé, mais il y a eu d'autres instruments qui ont consisté, par exemple, à partir de d'échantillons sonores enregistrés, de les traiter, de les filtrer, etc., pour récupérer du matériau aussi, du matériau sonore, de les analyser, de les resynthétiser, etc. Donc voilà, il y a eu différentes approches finalement de synthèse. Donc au départ, effectivement, on s'est attaché à la géométrie réaliste, on va dire. Puis on a changé les matériaux constituants, etc. Et puis au fil des explorations, on a changé les sections, on a changé. Puis du coup, on a déplié la lame et on a fait des sections variables, etc. Pour explorer finalement des espaces de timbre, quoi. En se détachant petit à petit de la réalité. Parce que c'est au même titre que. Un compositeur va chercher par exemple des modes de jeu originaux sur un instrument de musique. Bon, ben voilà, là on étire finalement la réalité pour avoir des timbres un peu plus riches, un peu plus différents, etc. Les sonorités sur lesquelles on travaille, c'est ce genre de choses. Alors je vais faire écouter déjà des sons unitaires. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment les modules unitaires de son, donc on voit bien que c'est quand même des sons très très courts, etc. Donc voilà, beaucoup de matières sonores créées, avec aussi des problématiques de... Il y a plusieurs phases dans la création, des créations de, on pourrait dire, de sons unitaires, donc de timbres, plutôt des travaux au niveau du timbre, et puis ensuite, un travail plus finalement d'orchestration, c'est-à-dire de séquençage de ces timbres, pour justement... différencier les heures, des minutes, des quarts d'heure, etc. Donc, finalement, ça revient un petit peu à un travail de composition classique. On travaille le timbre, c'est-à-dire on choisit ses instruments, voilà. Ensuite, on écrit pour ses instruments, donc on orchestre un petit peu les choses avec du rythme, avec des hauteurs et tout ça. Donc, Alors, à l'issue de cette phase de création, beaucoup de sons, plusieurs centaines de sons créés, etc. Et donc, il faut trouver un moyen de faire des sélections dans cette multitude de sons créés. Et c'est là qu'intervient cette troisième étape qu'on appelle validation ou évaluation, qui permet finalement de sélectionner les sons les plus pertinents parmi tous les sons créés par le compositeur. Et donc, les sélectionner sur des critères plutôt objectifs, qu'on a sorti des analyses acoustiques, sémantiques, etc. Alors, pour faire cette phase de validation, en fait, on utilise les mêmes protocoles expérimentaux que pour la phase d'analyse. C'est-à-dire que la phase d'analyse, on a fait quoi? On a fait rentrer des gens dans les cabines d'écoute. On leur a demandé, comme je disais tout à l'heure, quels sons préférez-vous, comment vous jugez ce son par rapport à ce son, etc. Là, on fait exactement la même chose. Et du coup, ça nous donne un filtre, une sélection comme ça de sons, soit les plus préférés, soit ceux qui correspondent le plus à tel attribut d'identité de la marque, etc. Voilà, et du coup, après, on arrive à un nombre de sons tout à fait raisonnable pour livrer à l'industriel qui avait commandité le projet, quoi. Donc voilà, c'est un peu un processus assez emblématique d'un projet appliqué en design sonore. Alors le projet, tel que je l'ai décrit là, il a duré à peu près un an et demi. Donc c'est des projets à très long terme. Sachant que, si on parle de temporalité, ça a mis un an et demi, si vous voulez, à définir des timbres et des séquences, disons, pertinentes par rapport à toutes les contraintes qui nous étaient demandées. Mais nous, ce qu'on a livré, c'est des fichiers sons, c'est du numérique. Et il y a une deuxième étape que l'industriel assume ensuite, c'est-à-dire de transformer ces fichiers sons en dispositifs mécaniques. Parce que pour ce qui est des dispositifs de diffusion du son, une des originalités de ce projet, c'est qu'il n'y a pas du tout d'électronique dans ce projet. Tout est mécanique. C'est-à-dire que dans la montre, ce qui va créer cette fameuse sonnerie de répétition minute, c'est une petite lame en métal qui s'enroule dans le boîtier de la montre, qui est frappé par un mini marteau, etc., et qui va donner donc le timbre et la sonorité souhaitée. Alors là, on parle en plus d'échelles géométriques très très très microscopiques aussi. C'est cette lame, elle fait quelques microns d'épaisseur, quelques dizaines de millimètres, dixièmes de millimètres de largeur. Etc. Voilà, tout est diffusé mécaniquement, tout le son est produit mécaniquement dans la montre. Et donc il y a cette étape de finalement de reverse engineering qui consiste à passer d'un fichier numérique à un système physique. Mais ça, ça c'était prévu dès le départ, c'est l'industriel qui assume cette part-là. Donc voilà. Alors, sur le projet Renault, là aussi c'est un autre projet assez... les deux projets dont je parle là, c'est les deux projets les plus récents qui ont été traités dans l'équipe. Et c'est aussi d'une certaine manière, de manière un petit peu différente que celui de l'horlogerie, mais d'une autre manière, c'est aussi quelque chose d'assez emblématique pour nous, pour le design sonore, enfin pour beaucoup de choses. Pourquoi c'est emblématique pour le design sonore? Déjà parce que sur le projet donc véhicule électrique, le défi c'est finalement de donner une voix à un objet qui est une voiture, qui est complètement muette, mais qui est voué à être mobile dans un environnement avec des piétons, des cyclistes, des enfants, des malvoyants, etc. Il faut que cet objet ait une signature en fait, ait une présence. C'est vraiment le travail de la présence. Après, elle ne peut pas être complètement muette et complètement évanescente. Pour des raisons principalement de sécurité, quoi. Il faut recréer une interaction justement entre cet objet, ce véhicule et ce conducteur, et puis les autres utilisateurs du milieu urbain, quoi. Parce que si l'interaction elle est cassée, c'est là où le danger arrive, et que même si le conducteur est super aux aguets, etc., forcément ça passe pas, quoi. L'information passe pas entre les deux groupes d'utilisateurs, quoi. Et donc la motivation première, c'est ça, hein. C'est vraiment une motivation de sécurité. Par exemple, cette question là elle est travaillée dans des groupes de travail européens, même internationaux. Il y a un groupe à l'ONU qui travaille sur cette question avec tout un tas d'experts et tout ça, et qui tente de spécifier le minima, si tu veux, de d'alerte d'un véhicule électrique. En premier lieu, de sécurité envers les usagers externes, donc je citais tout à l'heure, piétons, cyclistes, enfants, malvoyants, évidemment malvoyants, mais aussi vis-à-vis du conducteur lui-même, en fait, parce que pour aussi avoir conduit des véhicules électriques, là, notamment chez Renault et tout ça. Ce qui est fou, c'est que si t'as pas de retour sonore du véhicule, tu sais pas à quelle vitesse tu vas, en fait. Enfin, dans cette plage 0-30 km/h. Parce qu'après, t'as tous les phénomènes aérodynamiques et tout ça. D'ailleurs, ces questions de signature sonore et tout ça, elles sont limitées à cette bande de vitesse, hein, 0, 30, 40 à peu près. Mais dans cette bande-là, qui est quand même, t'as quand même une amplitude assez importante. Quand tu roules à 40 km/h, c'est pas anodin. Tu sais pas à quelle vitesse tu vas, tu n'as aucun moyen d'évaluer ta vitesse. Pour le confort et l'ergonomie du conducteur, c'est aussi indispensable qu'il y ait un retour sonore. Par contre, dans le champ du design sonore, c'est justement quelque chose d'assez symbolique parce que, en gros, tu donnes du son à un objet qui n'en a pas. C'est une situation qui est finalement assez peu commune. En général, soit tu améliores la qualité d'un objet qui fait déjà du son, soit tu retravailles un objet qui fait du son mais qui n'a pas été pensé initialement comme ça. Enfin, tandis que là, il n'y a pas de son, il faut en créer, en gros. Mais il faut aussi respecter ces grandes, je dirais, clauses, ces grandes idées qui sont liées au design sonore, qui sont que le design sonore, c'est pas la pollution sonore, c'est-à-dire que tu vas pas faire cracher, je sais pas combien de watts à la voiture pour qu'elle se manifeste, parce que ça c'est plus du design sonore, quoi, c'est vraiment de la pollution. Donc il faut vraiment rester discret, tout en étant efficace, tout en étant aussi, alors là pour le coup il y a aussi des considérations d'identité de marque. Le son il doit être fonctionnel, il doit alerter les gens suffisamment, remplir des fonctions de base qui sont alerter de la présence, alerter aussi de l'allure d'un véhicule, c'est-à-dire que je m'imagine bien que le véhicule est à peu près tant de mètres, qu'il arrive à peu près à telle vitesse, etc. Voilà, toutes ces fonctions vitales, je dirais, qu'on a avec les moteurs thermiques, il faut les retranscrire avec le véhicule électrique. Donc ça, c'est une contrainte. Une autre contrainte, il faut aussi véhiculer les images de la marque en question. Là, en l'occurrence, on travaille pour Renault, donc Renault aussi délivre un message très fort via ces véhicules-là. Donc il faut aussi mettre ces messages-là dans le son. Et puis il faut respecter l'environnement sonore aussi et pas polluer, comme je disais tout à l'heure. Sur un projet comme ça, on part quasiment d'une feuille blanche. À la différence de tout à l'heure, quand je disais qu'est-ce qu'on fait au départ, on constitue un corpus de référence, on l'analyse, etc. Bah là, le corpus, il n'existe pas, quoi. En gros, tu peux pas aller enregistrer d'autres véhicules électriques ou d'autres machins parce que ça n'existe pas. On est au départ un peu d'un processus. Donc, malgré tout, il y a des gens qui ont réfléchi à ça, il y a des universitaires, des scientifiques qui ont réfléchi à ça. Donc, le travail d'analyse, il passe aussi par la bibliographie, c'est-à-dire la lecture des études précédentes qui ont été faites, qui ont un peu défriché le terrain et tout ça. L'analyse elle passe aussi par des études un petit peu sociologiques, par exemple, que Renault notamment a faites, mais que d'autres gens ont fait aussi, ou qui consistent à dire à demander aux gens si jamais on devait mettre un son sur un véhicule muet, qu'est-ce que vous imagineriez comme son, par exemple. Donc ça donne des sources d'inspiration en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en l'occurrence les gens ils répondent à un son de moteur. Alors, je sais pas pourquoi, parce que peut-être ils ont que ça en référence ou que c'est donc finalement c'est pas très très instructif, mais en tout cas, ça existe. Et puis, on puise aussi dans des imaginaires, plus par exemple cinématographiques ou des choses comme ça. On va voir ce qu'a imaginé Besson dans son cinquième élément, ou bien le réalisateur de Bienvenue à Gattaca avec ses véhicules électriques, tout ça, quoi. Dans ce cas précis, c'est assez emblématique aussi parce que ce qui s'est passé pour ce projet, c'est que Renault a lancé un appel à concours. Enfin, il y a eu 4 équipes qui ont concouru sur l'idée, sur une espèce d'esquisse, le son d'un véhicule électrique. Et ça, à ma connaissance, c'était une des premières fois que ça existait dans la profession de design sonore, quoi. Dans les phases d'analyse et tout, on est allé voir aussi, donc quand je dis on, c'est l'équipe plus le compositeur associé sur ce projet qui est donc Andrea Cera, un compositeur italien. Donc on est allé voir aussi tout ce qui se faisait un petit peu, parce qu'on se rend compte que notamment quand on va sur le net ou tout ça, il y a des gens qui ont réfléchi à la chose, mais un peu dans leur garage, quoi, en gros. Donc ils ont fait un son pour tel prototype de voiture, style la Tesla ou la Fisher Karma ou des choses comme ça. Bon, donc ça aussi, ça donne des sources d'inspiration, ça donne des directions aussi à emprunter ou à ne pas emprunter, suivant ce qu'on veut faire et tout ça. C'est des données qui peuvent être analysées assez, assez bien. Voilà, je parlais aussi donc du cahier des charges Renault, parce que il y a eu quand même un gros cahier des charges, à la fois au niveau technique. Donc, comment va être diffusé le son, qu'est-ce qu'on va avoir à disposition comme technologie pour, par exemple, mémoriser des échantillons sonores, les rejouer, etc. Enfin, voilà, tous ces aspects-là. Les aspects plus fonctionnels, donc qui dépendent de finalement des attentes clients, que veulent les clients, qui veulent plusieurs sons, un seul son, enfin, voilà, toutes ces choses-là que Renault avait évidemment analysé avant. Et puis aussi intégrer, comme je disais tout à l'heure, des aspects plus, alors qui relèvent plus des départements design, création de la société. Intégrer tous les grands concepts de design qui ont prévalu à la conception de ces voitures-là. Toutes les notions d'écologie, d'économie d'énergie, de tout ça, enfin toutes ces choses-là, c'est des notions que on était censé aussi intégrer dans les sons. Donc autant dire un défi assez finalement assez difficile à relever. Une fois toute cette phase d'analyse, donc en récupérant toutes ces données de toutes ces natures différentes, à la fois techniques, on a commencé par se fabriquer un établi avec des outils et tout ça. Donc se fabriquer un environnement dans lequel on pouvait produire les sons de manière conforme à ce qui serait industrialisé par la suite. Il ne s'agissait pas de, par exemple, d'avoir un synthétiseur qui demande énormément de capacité de calcul, par exemple, parce qu'on savait que c'était pas possible industriellement parlant, etc. Voilà, donc typiquement dans un environnement comme Max MSP, par exemple. Pourquoi Max MSP ? Notamment parce que dans ce projet, il y a aussi une dimension dynamique et interactive. C'est-à-dire que le son, et c'est aussi une autre des difficultés du projet, c'est-à-dire que le son n'est pas conçu de manière statique en interaction avec le comportement de la voiture. Donc le schéma, c'est on récupère des données qu'on pourrait qualifier d'organiques, sa vitesse, sa charge, etc., sa charge moteur. Et ces données-là sont des données de contrôle, nous, du moteur de synthèse, en gros. Et donc la difficulté, c'est de penser le son en évolution. C'est-à-dire qu'on va faire un son qui va avoir telle forme quand le véhicule est à l'arrêt, mais il faut imaginer la forme qu'il va avoir quand il va démarrer, quand il va prendre des kilomètres heure, quand il va aller à 20 km heure, à 30 km heure, etc. Là, on est dans un timbre, une espèce de continuum de timbres qu'il faut interpoler entre les différentes vitesses, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup plus d'itérations, en fait, dans la conception. Principalement à cause de la complexité et de la diversité des sons qu'on pouvait proposer et des contraintes qui nous étaient demandées. Donc par exemple, ça a consisté à, là aussi, à construire un espèce d'espace sonore balisé par des dimensions qui étaient cohérentes avec ce qu'on nous demandait, par exemple en termes d'aspect naturel ou d'aspect musical, enfin des choses comme ça. Positionner les sons dans cet espace qui était un peu l'espace de compréhension commun entre nous et Renault, quoi. Parce que précisément ce genre de projet met à jour aussi une difficulté dont on était conscient avant, mais qui a été vraiment très crucial pour ce projet, qui est la question de la communication sur le son, en fait. Comment s'entendre, comment se comprendre sur un son ou sur une idée qu'on a d'un son. Alors, on a utilisé tous les moyens du bord pour communiquer, justement. Des moyens graphiques, des moyens vocaux, des moyens aussi en prenant un son, en se disant « Ah oui, c'est un peu ça, un peu de ça, etc. » Fabriquer des sortes de planches de tendance, un petit peu des choses comme ça, pour justement avoir la même compréhension de l'idée et que la réalisation de cette idée, la matérialisation de cette idée, se corresponde bien à l'idée de tous, quoi. Enfin, donc ça, c'est vraiment un truc hyper, hyper important dans ce genre de projet, et là on a été confronté vraiment à ça, d'autant plus qu'il y avait énormément d'interlocuteurs chez Renault, des différents secteurs dont je parlais tout à l'heure, à la fois l'ingénierie, le département produit, le département design, etc. Tous ces gens-là, en fait, donnaient leur avis, et c'était super, mais seulement il fallait que de conscience commune, un peu de référence, en fait. Et ça a été dur Ça a été dur à caler. Voilà, au bout de un certain nombre d'itérations, justement, il y a eu des étapes de validation un petit peu plus objectives, à base justement de tests expérimentaux qui ont testé certaines fonctionnalités du son. Je parlais tout à l'heure de la faculté du son à signifier la présence du véhicule, la faculté du son à signifier l'approche d'un véhicule, etc. Donc ça a été testé aussi plus scientifiquement, on va dire, plus expérimentalement. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Disons, il y a eu une espèce d'entonnoir qui a abouti à trois concepts de son. Donc là, c'en était un. Je vais faire écouter les deux autres. Troisième. Notre maquette de travail, c'était effectivement Max MSP, mais comme je disais, on a construit une architecture qui était compatible avec l'industrialisation. Et en fait, l'architecture, c'est quoi ? C'est une synthèse qu'on appelle par lecture de table, c'est-à-dire c'est une synthèse d'échantillons. Et donc ces samples, ils sont lus, ils ont des paramètres de lecture qui évoluent suivant les données qu'envoie la voiture. Pour faire simple, plus la voiture va vite, par exemple, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est pour simplifier les choses. Disons qu'on pourrait imaginer que plus la voiture va vite, plus le sample est lu rapidement. Cette architecture, elle est basée non pas sur un track, quoi, mais sur quatre, en fait, sur quatre mémoires. C'est quatre mémoires de son de taille variable, de taille différente. La taille n'est pas variable, mais elle est différente suivant les quatre. Donc c'est quatre mémoires de son qui sont lues, qui sont mixées dynamiquement en fonction des paramètres du véhicule. Alors, je vais envoyer un mot peut-être un peu prétentieux, mais l'intelligence de ce projet-là, et c'est surtout l'intelligence d'Andrea Chiara en l'occurrence, le compositeur, c'est le travail fait alors à la fois sur le contenu des mémoires. Là, on en revient à la question de matériaux sonores. Qu'est-ce qu'on met dans ces mémoires ? Quel timbre on va mettre ? Quel matériau on va mettre ? Et aussi de lois de mixage et de paramétrage, justement, de lecture et tout ça, sur chacune de ces mémoires. Et c'est toute la complexité du travail, en fait. C'est de dire que, ben voilà, si je suis à 15 km/h, je vais lire ma mémoire 1 à telle vitesse, ma mémoire 2 à telle vitesse, je vais les mixer avec tel coefficient de mixage, etc. Crucial dans le projet, c'est-à-dire qu'on a effectivement livré, à un certain stade du projet, on a livré ce patch Max MSP, en gros, cet algo. Et puis, il y a un fournisseur de Renault qui s'est chargé du portage de cet algo sur un microprocesseur avec une mémoire, etc., enfin, avec des mémoires embarquées. Et donc, par contre, nous, on a suivi ce travail de portage et on a validé ce travail de portage. Ce qui a amené à des ajustements un peu de dernière minute, je dirais, pour comment dire, répondre à des contraintes électroniques ou techniques, quoi. Mais effectivement, ça s'est fait en deux étapes. Il y a eu une première livraison, un espèce de proto, en fait, de proto fonctionnel, mais non opérationnel, je dirais. Et ensuite, l'aspect opérationnel est venu avec justement le portage sur la carte électronique. Une autre contrainte qui est plus acoustique, je dirais, qui est que la sortie d'un truc comme ça, ça va sur un HP embarqué dans la voiture, dans un petit compartiment de la voiture. Et donc, il faut aussi faire avec toute l'acoustique de cette partie-là de la chaîne. Quoi. Comment la caisse va résonner, comment le son va rayonner, comment, etc. Enfin, il y a juste un point, pour l'instant en tout cas. Après, ça s'est peut-être amené à évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, sur les premières implémentations de série, c'est un point. Et en fait, nous, le mainstream du projet, ça a été sur Zoé, justement, qui va sortir à l'automne 2012.